Et là? Là je t'entends. Ouais mais je m'entends pas moi. Toi je t'entends pas non plus. Quoi? What is the problem? That I can't hear you, but I can't hear me. You can hear yourself? Yeah, I can't hear myself. You can't? I can't. Okay, go on and play. Trop fort justement. Ah ouais? Ouais. Pourtant nous on entend dans le casque très... Tu m'entends moi? Mais bon. T'entends moi? Vas-y joue. Non. Lui? Non. En attendant de résoudre le problème technique, on va jouer en acoustique. Ça vous va? Yeah. J'adore l'acoustique. Vous y êtes. Faites comme vous le sentez. Hello everybody. How do you feel now? I love you! A cheeseburger! Ça marche pas ton studio. A fucking studio in a fucking city with a fucking guy with a fucking guitar! Yeah, yeah, play! Thank you. seul sur la plage des Baléares de Toulouse. Je me baladais sous ma chemise rouge. Soudain, j'aperçois trop loin l'image, la superbe l'ombre de tes cheveux, de ta chevelure qui court comme ça jusque dans l'eau. Je la suis, je te poursuis, et alors je t'attrape d'une main ferme, et tu es toute rouge. Choubidou à poitre. Et là, ça, on branche pas. On branche pas ça, alors. C'est ça. Moi, je dis, j'en suis conscient. Une ouverture d'esprit. C'est ça qu'il faut avoir. Si tu te dis... C'est la vie, mon gars. Il faut te débrouiller comme ça. C'est l'horreur là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le concept de l'émission ce soir, c'est Non Silence Radio. Donc la semaine dernière c'était Silence Radio et là c'est Non Silence Radio. Donc c'est le but, c'est de faire du non silence à la radio et de le faire en nuisant aux gens qui écoutent la radio. Il est l'heure de faire du bruit, de la nuisance sonore. de la nuisance sonore sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Vous n'avez absolument rien compris et c'est parfait. À ceux qui entendent, à ceux qui veulent en parler, adieu. Qu'est-ce qu'il fait ? Alors, quel est ton prénom ? Julien. Ouais. Tu viens d'où ? Julien, il est à Toulouse. T'es de Toulouse ? Voilà, c'est ça. Toulousain. Non, Toulousain, adoptif depuis un an. Autrement dit, vous avez carte noire, les gars. Ils t'ont adopté comme tu le désirais ? Ils t'ont adopté comme tu le désirais, comme tu le pensais, oh. Comme tu le voyais. Oh. Ah, il a pas son casque. Dis-lui de mettre son casque. Tu veux ton casque ? Non, il me déstabilise. Ah, bah, je coupe ton micro alors. Je te chie à l'arrêt. Dis-le dans le micro, ça. Je te chie à l'arrêt, il faut le dire dans le micro. Je te chie à l'arrêt. Oui, tu parles à qui ? À l'auditeur ? Non, à toi, espèce d'enculé. C'est qui l'espèce d'enculé ? Toi, la voix là-haut dans mon cerveau. C'est moi la voix ? Dans ton cerveau là-haut ? Oui, je t'entends. On n'a pas le droit de dire enculé, il est pas encore 10h. Tu pourras le dire après 10h, mec. D'accord, ok. Pour les petits-enfants et tout ça. Ok, d'accord. Espèce de pénétration anale. Ouais. Ça marche, ça ? Parce que c'est dans le dico. Pénétration, c'est dans le dico. Mais enculé, c'est dans le dico aussi. On n'a pas le droit de le dire pour autant. Ah ouais. D'accord. Enfin, je sais pas. Moi, je dis toujours après 10h. N'oublie pas de mettre les petits carrés rouges et les triangles verts en bas de la page. Voilà. Et en parlant de triangle, justement, ouais. je vous laisse carte noire ce soir. Donc allez-y, les gars. Faites carte noire, les gars. Laissons parler notre souffrance. J'ai envie de pleurer, je suis tout noir dans mon cœur. Et je vais pas te chier sur la gueule, espèce d'enculé. Je dirais qu'après 10h du soir, parce que tu m'aimes comme ça dans le noir. Espèce d'enculé, tu m'as pris le pied dans le nez. Espèce d'enculé, c'est Canal Sud qui te veut. On était heureux ensemble et personne n'a qui le dire. Ils sont où les instruments à côté là ? L'arrangement sonore est de piètre qualité, mais nous nous en sortirons. Tu veux que je t'ouvre ça ? Non, je disais, c'est bon ça. Ouais. Ça a du son ça. Ça, vous entendez là ? Oh, vas-y. Savoir si les gens ils nous entendaient. On n'est pas trop sûr en fait. Alors. Depuis tout à l'heure, on n'est pas trop chaud quoi. Non, mais on est entre potes, on s'entend. Carrément. Mais on va y arriver, hein. Vous savez, on va vous nuire. On va vraiment vous nuire. On va nuire à votre santé. Carrément, ouais. Alors, tu me disais que t'étais d'ici et d'ailleurs. Et voilà, de partout à la fois. Carrément, en tout cas, je suis là. T'es un être humain, dis-nous. C'est ça. Ouais. J'aime pas trop parler de moi, alors ce que je fais, c'est que je dis que je suis là, tu vois, c'est tout ce qui compte en fait. Oh, il est présent, ok, voilà, vous avez entendu, il est présent. Moi, je voulais vous prévenir que j'étais là aussi. Voilà, c'est ça en fait. Et donc, toi, justement, il faut que tu me dises ton prénom. Oui, Johan Alexandre. Voilà, Johan Alexandre qui est avec nous ce soir. Et oui. Johan, donc tu viens ? Je viens. Voilà. Et est-ce que tu es là ce soir ? Je suis là ce soir. Moi aussi, je suis là ce soir. Observation hallucinante, c'est comme le cycle lunaire. Méga partie ce soir, on est tous là. Et alors. Ça y est. Si vous êtes là, prévenez-nous. Ouais, qui est pas violent. Dites-nous, je suis là. Allez, tous ensemble, allez, à trois. Il y a la musique aussi. Un, deux, trois, on est là. Yeah. Ils sont là aussi.

Ainsi, vous êtes mort. Vous êtes déjà morts, tous autant que vous êtes morts. Tu sais que dès que tu commences à travailler, tu mets de côté pour ta retraite, donc te payer ta place au cimetière et ton cercueil. Ouais. Moi je trouve ça un petit peu... C'est méprisant. C'est horrible, horrible. On va tous crever. Vous travaillez toute votre vie pour payer crever. Une belle mort. C'est comme ça ce système. C'est le système. Il fonctionne comme ça. Il faudrait voir ta tête en même temps, Robocop. On va tous crever. Quand tu dis c'est le système. On va tous crever. On va tous crever. Vous allez crever, les gars. On va crever. J'attends plus que Judge Dredd. La sentence. J'ai pas compris le lien. Avec ma tête. Avec vous avez. Robocop. Robocop. C'est qui Robocop? Tu sais pas? Ah, si, je c'est un cyborg. Ah, d'accord. C'est un homme complètement envahi par la technologie. Je faisais pas le lien entre Robocop et ma personne. Ah. C'est pour ça. J'ai dû faire un lien. Ne commence pas à ouvrir ta cuisse. Non, tu ranges ton pistolet. Arrête. Ok. Ok. Allô. Allô. Allô. Allô. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Bon. Voilà. Y a personne. Y a personne. Y a nous. Ils sont tous morts. Ouais, nous aussi. On va décéder. On va en décéder. Pas trop cher. On va décéder, pas trop cher. Qui c'est qui vend son CD? Vendu. Ah, j'achète, j'augmente le prix. Carrément, tu pourrais payer un cercueil. Un bon cercueil bien pourri. Un CD. Un achète des CD. En faire fabriquer avec la tronche de Robocop. Vas-y. Tronche-le le Robocop. Allez le Robocop, on est parti ou quoi? De long en large, en travers, des traits d'azur bleuté sur un citron vert, un verdâtre citron dans un azur bleuté, sur une passagère tendance à émanciper l'action. Vous êtes obnubilé par nous. Vous êtes obnubilé par nous, obnubilé par nous. Vous êtes obnubilé. Obnubilé, obnubilé, obnubilé, obnubilé, obnubilé par nous. Thank you. passe quoi autour de moi là? Parce que le monde bouge trop vite. Ah non, c'est les réglages et tout. C'est injuste la vie. La vie, c'est pas beau. La vie, c'est comme un gros tas de merde. Ça pue. C'est à chier. Et c'est collant et dégueulasse avec nous. La merde, c'est dégueulasse avec nous. La merde, c'est dégueulasse. Mais t'es vraiment pas nature comme gars, toi. Santé! Chin-chin! Chin-chin. Dorak. Norak, norak, norak, norak, norak, norak, norak, norak, norak. On y est là, on y est, on est bon là. Je crois que le service à domicile de pet, ça marcherait. Je pense que ce serait pas une trop bonne idée. C'est vrai? Ouais. J'ai déjà des pets, tu vas à domicile et tu commences des pets. Des pets, ouais. Je me dis qu'en fait, les gens ont déjà qui. Voilà. Ils ont déjà une machine à gaz chez eux. J'ai enfermé chez eux, sur j'ai chez eux, c'est vrai. Je sais pas, je trouve pas de solution. Je veux faire auto-entrepreneur, mais je trouve pas. J'aimerais auto-entreprendre dans la société, mais je comprends pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse. J'entreprenne quoi? Automobile, mobile phone, phone à ta maman, ta maman la pute. C'est bon le vomi? Chez vous et vos maîtres qui ont oublié la radio à la maison. animaux de compagnie comme animaux sauvages. Ou qu'ils l'ont laissé intentionnellement. Intentionnellement. Scratch. Pour vous. Scratch. De vous éveiller. Scratch. Manon. Il est 10h? Non. Alors, je vous demande de rester. Je n'apporte plus jamais ma pierre à l'édifice. Ma vie s'écoule sur la rivière du temps. Je ne suis qu'un homme. Et pourtant, tels ces êtres qui vivent, j'aspire à la liberté. Telle écorce d'avoir un temps, l'âge de respirer. Je me sens comme une onde traversant mon âme. J'entends comme un agon, partisan des âmes. Et je m'envole, refusons la vie sombre, et je m'envole, l'édifice est une ombre, et je m'envole, sur ce champ de bataille, et je m'envole. J'accepte le monde tel qu'il est, et je m'envole, refusant la vie sombre, et je m'envole, l'édifice est une ombre, et je m'envole, sur ce champ de bataille, et je m'envole, la mort ne sera de taille. Vous êtes tous crevés comme la merde que je suis. Vous allez crever comme la merde que je suis. Vous allez crever comme la merde que je suis. Vous allez crever l'abcès. Vous allez crever. Vous allez crever. Vous allez crever. Vous allez crever. Vous allez tous crever. Vous allez tous crever. Vous allez tous crever. Vous allez tous crever. Vous allez crever de merde. Vous allez crever puanteur, puanteur abjecte, putride, insatisfaction. Toujours pas content, jamais content, jamais. Toujours mal content, mal content. Le mal est content. Le mal est content d'être mort. Tu m'entends, yo? Yo? Tu m'entends? Oui, remercie tes parents. Mon frère, ma soeur. Ta famille. Non, pas ma famille, non. Ah, pardon. Est-ce que tu peux te baisser, Johan? Oui. À peine. Comme ça? À peine, ouais. Non, mais à peine, hein. À peine, et après t'arrêtes de te baisser, quoi. Et Julien, tu peux jouer? Non, il faut que tu baisses un peu plus aussi, Johan. Là, je baissais, je suis en train de baisser, là. Un peu, hein. Ouais, vas-y, joue. Joue, joue. Encore un peu, yo. Ouais. Tu peux? Ouais, je peux encore. Vas-y. Là, c'est bon, là. Arrêtez-vous, là. Ça va, là. bien. On s'en va bien, y'a trop longtemps qu'on est planté là comme des prisonniers sans chaîne. Elle nous la pose, la liberté. Au goût amer qui s'imprègne au sang que nous avons mêlé. Qui essaie toujours dans tes veines, alimente ton cœur crevé. Allez, viens, allez, viens. On a la vie à visiter. Allez, viens, allez, viens. Elle ne veut pas la repartager. Allez viens, on se ramène à port de rêve et referme les aventures. Te nourris de peine, notre histoire n'est pas terminée. La première fois que tu saignes a bien failli nous séparer. Maintenant c'est toi qui règne, il fallait sûrement se montrer. Allez viens, allez viens. J'ai vu quelqu'un dans la rue qui me disait des conneries et j'ai dit il est 10h. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit foutre, branle, chien, putain, enculé. Allons tous nous faire enculer par des bites au cul. Oui, des bites au cul. C'est bien ce que je dis. À 10h, Nuisance, Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. C'est surtout l'émission Nuisance qui prend entièrement. Responsabilité pour ses stupidités et ses commentaires vaseux, graveleux, merdiques, à chier, qui pue. Je prends également entière responsabilité pour le bruit de fond qui vient du vernissage des canals sud. Encore une fois, les vernisseurs ne savent pas faire la fête sans faire de bruit. On les remercie. Ils sont silencieux à présent pour se cacher, mais on sait qu'ils sont là. C'est le putain de feu. C'est un feu. J'ai mal la main. We are the world, we are the world, we are the children, we are the children. Elle lui met le feu. Non, elle me met le feu. Alors, c'est parti, on joue de la musique. Moi, il faut que je trouve. Non, je suis indépendant, moi. C'est à toi ? Je suis autonome. Autonome ! C'est à toi ? Ouais, ouais. Comme si... Non, mais comme si tout appartenait. Ah, c'est vrai. Non, c'est parce qu'il y a la tête. Non, c'est vrai. C'est vrai ? Non, c'est parce qu'il y a la tête. Allez ! Hein ? Non, c'est parce qu'il y a la tête. Ouais, c'est parce qu'il y a la tête. C'est ça, ouais. Je peux t'enrouler ? Je peux t'enrouler, s'il te plaît. J'ai mis Rastan. Tu veux la cigarette ? Je la donne, je te l'offre. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas allumée. Elle te montrait le feu parce que tu avais donné le feu. Non, c'est pas la mienne. Non, tu l'as touché. C'est une glace. C'est ton briquet. C'était. C'était mon briquet. avec nous dans les studios. Julien, Johan Alexandre, Élise, Al. Et c'est l'émission Nuisance. L'émission qui vous nuit. Vous pouvez le dire. This is the way it's going up and down and never coming round. It's always going haywire and hence dead in the head. I've got a slight diminishing misdemeanor with my fucking head. I've got to say it, there's something wrong with me. And I know it's all going to pots. And I don't give a shit about y'all, I don't give a shit about me, I don't give a fuck about anything at all. In fact, I'd rather be dead and you would rather be dead too. I know it, I've seen it in the stars. Clouds are covering and hovering all over the whimsical, tragical, glorious sorts of a thing, thingamajigs. I don't give a fuck. I've said it and I'll say it again, over and over again, over and over again, over and over again, over and over again. Instead of being happy, I will be dead. Instead of being happy, I will be dead. Instead of being happy, I will be dead. Instead of being happy, I will be dead. And as I know, it's always been going. It's never instead, it's always now. And as I've been, it's always staying. And as I've said, it's always now. And as I've been going on and on instead of staying, I know it's always ahead of time. And now that I know it, I keep on saying it. You'll always be dead inside. Stay, but I don't see. I'd rather be a gay man than be happy. I'd rather be dead, as I said already. I'd rather be dead than happy. And I'd rather be dead and rotting away instead of my pavillon de l'oreille, tympan, tapant, ainsi pesant sur l'être T. L'incité ne fait pas mine de défaire la voix. Il y a une sorte de tergiversation qui remue les tripes et qui fait gerber. Moi je ne suis pas une gerbe de fleurs sur un monument aux morts, moi je suis bien vivant là là là. Là là là, je suis bien vivant là là là. Là là là, je suis bien vivant là là là. Là là là, je suis bien vivant là là là. sense, this island of a lisping sort of like, I've known it already, it's always there and steady. I know it's staying here, I know it's staying there, like sweat on a forehead, it's brisking, it's frisking, it's burping in my face. I know it's there, I know it's here, I know it's everywhere and anywhere in time. I don't give a fuck anymore. I will die unhappily, as forever, as in I will never be happy, as in I am always sad, as in I don't care anymore, as in I don't give a fuck. I will die happily ever after. I will die happily ever after. I will die happily ever after. I will die happily ever after. Morbide, morbide, désir morbide de mourir, mourir dans d'atroces souffrances, mourir d'être, mourir l'être, mourir la pénombre, mourir, mourir la purtitude, la turpitude. Je suis dialectiquement dyslexique et la dyslexie me fait autiste et l'autisme me fait mûrir et la mûrissance, le mûrement, la mûrissance, la mûrgissance. Et je me murge en pensant aux autres, en pensant à tout ce que j'ai perdu en ne les rencontrant pas, tous les autres qui sont différents de moi, avec qui je ne suis pas d'accord. Et la discussion se fait toujours en désaccord. En désaccord avec soi-même, la contradiction se fait paradoxe, paradoxe de l'être, paradoxe de l'être-té. Il n'y a pas d'ultime solution, il y a seulement de l'insatisfaction, putride, putride et corporelle. L'insatisfaction me fait gerber, me fait mine de vomir, vomir mes tripes à l'air comme un harakiri mal fait, mal fait, mal fait, mal fait. Je ne suis pas de ceux qui croient. Non, je ne crois pas. Je ne crois d'ailleurs pas. Non, je ne crois pas. Et j'ai le vertige d'être aimé. Mais je ne suis pas aimé, donc c'est une illusion. L'illusion d'être aimé, l'illusion d'être, l'illusion d'aimer. C'est une illusion. Les illusions sont factices, comme des hallucinations. Elles sont paradis artificiels, comme paradis superficiel. Le superficiel est là, le paradis est là aussi. Serait-ce que le paradis est superficiel? Serait-ce que le paradis est superficiel? Serait-ce que le paradis est superficiel? Serait-ce que le paradis est superficiel? Je ne crois pas. Non, je ne crois pas vers le ciel. Je suis de ceux qui s'enterrent, la tête la première. Et, comme l'autruche, nous faisons des ronds de jambes, en pétant dans la mare aux canards. Les vilains petits canards, les vilains petits canards sont là. Ils sont là de la lassitude même que je ne suis pas de ceux qui croissent. Et bien de ceux qui dégénèrent. La mort, dégénérescence ultime. La mort, dégénérescence. La mort, dégénérescence ultime. La mort, dégénérescence. Comme ses naissances. Comme sénilité, comme bavure, entropie, émancipée, action, toujours réaction, jamais pouvoir, jamais vouloir, les tenants, les aboutissants, je ne les accepte pas, je refuse donc d'être aimé, je refuse donc d'être, je refuse donc de m'aimer, je refuse donc d'aimer. Mais semer, semer la zizanie, le trouble, ça je sais faire, ça je sais faire. Je sais faire la zizanie et le trouble, je sais semer le doute en moi-même. C'est pour ça que ça affecte les autres, parce que j'ai le doute en moi-même. Et le doute en moi-même, il affecte les autres, parce que le doute, il est de moi-même, et il va vers les autres. Et c'est ainsi qu'il affecte. Le doute affecte les autres, parce que ils sont influençables, comme moi. Je suis influençable, et nous influençons les uns les autres. Nous nous influençons les uns les autres. Nous nous influençons les uns les autres, et nous influençons les uns les autres, sur les autres, les zinzins, les ozos, les treutreux, les trottoirs pleins de putes, j'en ai rien à foutre, c'est la décadence, la dégénérescence même, et pourquoi pas de maison close, pourquoi pas, hein? Deux, trois, quatre, ce que je veux c'est t'abattre. Société de merde. Système pourri. Toi les dents sur quelque chose d'autre que ma jambe, que ma bite. Va lécher le cul des autres. Va lécher le cul de toi, le monsieur président, toi là-bas. Va lécher le cul. Va lécher le cul de la table de mixage. Va lécher le cul. Va lécher le cul du monde entier. Va lécher le cul du monde. Va lécher la merde du cul du monde qui pue. La merde du cul qui pue. La merde. Et la merde du cul qui pue. puent, eh bien, elles sentent bon. Elles sentent bon, elle a le goût de caca. Le caca, c'est bon dans la bouche. Le caca avec tous ces morceaux croustillants, croquants, même que je les aime, ces croustillants et ces croquants-là. Je les aime. Et la pâte brisée menue, la pâte est sur les pieds sont dans le vin est sur la terre est dans la merde. Et ça va bientôt s'arrêter, vite même que je ne vais pas tenir longtemps. Ça va s'arrêter net. Ça va s'arrêter tellement net que je ne vais rien y comprendre. Je n'y comprends déjà plus rien. Ça va s'arrêter net. Ça va s'arrêter net comme le silence qui s'arrête net après le bruit du silence. Même que je ne suis pas de ceux qui croient en le silence radio. Non, je crois plutôt au bruit radiophonique qui nique tout, même les tympans. Même les oreilles des imbéciles aimés. Des auditeurs s'entend. Oh, no, no. se retirer quand il faut que ça sorte. Il y a plus de 10 heures, pas besoin de vous entendre de la radio. Surtout n'écoutez pas. Mais alors tous les enfants qui sont pas là. Non, parce que tu sais que j'ai des gamins. Moi je me kiffe au play. Cette émission. J'espère que tu te reconnaîtras, oui, toi, planqué au fond de ton drap. Tes parents sont là en bas, ils t'appellent. Canal Sud, vous êtes venu comment là? À pied, à cheval là? En hélicoptère. En hélicoptère. Sur ma bite. On est venu sur la bite d'Anne. Ouais, voilà, en bandant et en voilà. Sautant sur la bite comme ça, en faisant des abdos de bite quoi. Voilà, lui faisait des abdos de bite et nous on s'entraînait à faire du plongeon. Ouais, et vous vous plongez sur vos têtes? Voilà, c'est ça. C'est pour ça que vous êtes comme ça. Voilà, c'est ça. Ouais, vous comprenez pas les auditeurs, ils ont un physique un peu spécial les deux là. Ouais, ils ont des bosses en plein le front quoi. Ouais. C'est défoncé le crâne. Ah, le troisième œil défoncé. Ouais, le troisième œil défoncé. Ouais, le troisième œil, comme le troisième œil des Tibétains bouddhistes. Là. Et ils voient tout avec. Sauf qu'à la place de l'œil, on a un trou. Celui auquel, finalement, il faut faire appel. Le trou derrière la bosse ? Derrière la bosse. Ouais. Le trou derrière la bosse. C'est comment ça ? Thank you. C'est nuisant sous sa léponne. L'émission où on rote en pète librement. Ticulasse. L'émission où on rote en pète librement. La libre expression, ça passe par l'organisme aussi. Ouais, allez-y, renversez tout sur la table, j'adore. De chiottes. Ta maman elle pue du cul. Ton papa il pue du cul aussi. Tu veux un quart d'heure ? Tu veux une bite dans le cul ? Toi là-bas, pas toi, hein. Quelqu'un d'autre. Vous là-bas, les auditeurs, vous voulez une bite dans le cul ? Tourne-toi. Non mais sérieusement, c'est ça que vous voulez ? C'est ça que vous voulez, quoi. Bon, franchement, c'est gras. C'est parce que vous voulez l'avoir. Hein. C'est gras. C'est vaseux. C'est gras, c'est nuisance. Non, c'est hal. Il est trop con, comme d'habitude. Non mais sérieusement, je viens de me demander si l'auditeur voulait se faire enculer par nous, quoi. Entuber, quoi, si vous préférez, quoi. Entuber, on s'entube. Ouais, est-ce qu'on les entube, là, en l'occurrence? Est-ce qu'on les entube? C'est ça la question, quoi. On fera pas trop décalé, tu sais. Qui entube qui, quoi? Qui entube qui? Les auditeurs, ils nous entubent ou c'est nous qui entubons les auditeurs? Moi, je suis pas payé, alors qui m'entube? Pareil, la même. La liberté est la raison de l'écoute, et la liberté est la raison de l'émission. Donc au final, tu peux pas. Est-ce qu'on la liberté, peut la liberté pour l'émission et la liberté pour l'écoute. Donc au final, l'auditeur écoute par liberté et nous, on émet par liberté. Donc au final, eh ben, c'est par liberté, donc il n'y a personne, tu tortues personne. C'est comme ça. C'est parce que chacun choisit, tu vois. Oh putain. Moi, je vois comme ça. Vous avez choisi d'écouter, c'est comme ça. Non, mais je voulais absolument entuber quelqu'un. On entube qui? Bah, les auditeurs. Les auditeurs. Oh, non? Ouais, allez, on les entube. Sérieux? On peut pas les entuber alors, les auditeurs? Vas-y, si, non, mais c'est ça, quoi. Tu veux pas que j'entube les auditeurs, quoi? Non, je veux pas, non. Je suis pas d'accord, moi. Carrément, non, je sais pas. Moi, je vais les prendre pour des idiots, les auditeurs, comme TF1 ils font avec nous, quoi. Carrément. Voilà, moi, c'est ça que je voulais faire. Pourquoi vous m'empêchez de faire ça, vous? Parce que c'est pas. Vous êtes méchant en fait. Hey, salut la jeunesse toulousaine, comment ça va? Salut les vieux Toulousains, comment ça va pas? Il y a Jean. Il y a Jean. Jean Valjean. Et Robert. Robert Malone. Roberto Malone. Pour Robert, tapez 2. Roberto Malone et Jean Valjean. Donc vous choisissez votre héros préféré. Moi j'ai tout de suite choisi Roberto Malone. Alors là, ça va sans dire. C'est mon héros. C'est le héros de l'entrejambe. Mais si jamais votre héros c'est Jean Valjean, n'hésitez pas à appeler. Ouais. Le numéro d'antenne est le 05 61 53 36 95. J'espère que vous avez rien compris, comme ça vous ne appellerez pas. 05 61 53 36 95. Là vous avez toujours rien compris. Vous n'hésitez pas à nous appeler. Vous pourrez poser la guitare pour aller répondre. Alors franchement. Ah non, on va pas poser la guitare pour quoi que ce soit. D'ailleurs, je vais décrocher le téléphone. Voilà, il est décroché. Allez, c'est bon ça. Et si vous voulez appeler, vous pouvez. Non, et puis voilà, que vous pouvez toujours essayer d'appeler. Au 05 61 53 36 95. Vous aurez personne. On répondra pas. C'est ça en fait le truc. Vous croyez vraiment qu'on va vous répondre, cher auditeur? Mais non. Et parce qu'on sait que vous n'allez pas nous répondre. On va pas avoir de retour. C'est seul le métier de la radio. C'est intimiste. C'est triste. C'est vraiment triste. Au séjour-là, je suis né. On peut pas dire prématuré. Pour sur 30 minutes durant, ma mère a dû en chier. Mais quel bonheur d'avoir un si joli bébé. Alexandre, il est grand. Oh, il est grand. Il est grand, Alexandre. Un peu ou pas? Non, si. Non, quoi? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Oh là, tout le monde se lève. Non, tout c'est vrai. Ah. On fait pas de publicité ici, monsieur. Bon, quoi? Qu'est-ce qui se passe là-bas? On a changé la régie là-bas. Et ah, j'aime des demoiselles qui se baladent dans la régie. Sa démarche lui donne des airs. Maintenant il va falloir que maintenant les auditeurs qui écoutent, qui nous prêtent l'oreille afin qu'on puisse leur déverser justement tout ce qu'on a à déverser, à faire couler justement. Et nous sommes pleins. À faire couler le liquide qui part de notre cerveau et qui vient couler dans les oreilles. Et finalement, vous noyez les tympans. On va peut-être éclairer votre lanterne en vous lavant les oreilles, peut-être. Et il faudrait vous laver les oreilles avec du savon. Une onde dans le lait de notre semence royale. Non, pas savonné. Tu as raison, savonné. Non, il faut les savonner parce que c'est comme ça, les oreilles, ça se savonne pour bien entendre. Et une fois qu'on a bien entendu, après, on entend d'une façon... On peut très bien entendre, ou alors ça dépend, des fois il y a un mauvais savon qui finit par irriter l'oreille. On a tellement l'habitude d'entendre mal que finalement c'est le savon on finit par avoir envie d'entendre bien, mais on est complètement en train de se demander finalement si on entend bien ou si on entend mal. C'est le savon marseillais. De toute façon, ça sert à rien d'essayer de comprendre, c'est parce que c'est comme ça, c'est une société de savon, voilà. C'est comme ça, la société du savon. La société du savon, voilà, c'est vraiment le bout du con. Voilà. Alors je t'en prie, lance-toi. Carrément, c'est la société du savon, ça. La société du savon. C'est pour les oreilles. Il faut se laver les oreilles pour écouter la société de savon. Lavez-vous le cerveau en même temps. Voilà, ça ira. Un petit peu de javel et ça coulera à l'intérieur et ça sera bon, ça fera tout péter dedans. Et ça servira. C'est comme ça qu'il faut faire. Ça devient plus blanc que moi. Tire les paupières, celles qui sont scellées, et respire l'air. Ça paraît clair pour les illuminés et terre à terre pour les gens fatigués. pas de mystère. Tout est bien dessiné, pourquoi se taire quand tout est à gommer. La marche arrière demeure intégrée, fais pas de manière. Laisse-moi déblatérer. Une société de savon qui met les hommes dans des bulles, elle nous lave la raison. Et trop de gens l'adulent enfermés dans leur cloison, alimentés par la ruine. Je vous parle d'implosion de nitroglycérine. Pas l'arrête qu'on veut me faire avaler. Une société de savon qui met les âmes dans des bulles, elle nous lave la raison. Et trop de gens l'adulent enfermés dans leur cloison, alimentés par la bruine. Je vous parle d'implosion de nitroglycérine. La la la la la la la la. Lavez-vous les oreilles. Voilà. C'est ça qui est. Société de savon. La société du savon, voilà. Non mais. Il met les hommes dans les bulles, hein. Hein, comme ça, avec des cloisons enfermées, hop, chacun. Ah, et quand on se croise, hop, on rebondit, on dit pas bonjour, surtout. C'est vrai que lorsqu'on passe si près de toi et qu'on te dit pas bonjour alors qu'ils sont passés si près, c'est pas, et ben, on finit par se demander comment on fait. Comment on fait. Les gens se passent à côté. Sans se regarder, sans savoir. Si, ils se regardent, ils se dominent, ils se regardent. Que dans leur vie. Ils se regardent, les gens. Ils se regardent et ils se dosent avec un préjugé. C'est comment doser le danger et comment doser son agressivité pour pouvoir. On nous a tous mis dans cette bulle dont tu parlais d'insécurité. Ouais. Et on a tous peur de l'inconnu, de ce qu'on comprend pas, peur du danger. Qui est là juste en face, pas de danger, qu'on pas voit de... tout le temps. Ça dépend de quel. Ça dépend. Peut-être que. Le danger est subjectif, tu penses? Ouais, c'est sûr que le danger est subjectif, ce qui dépend de ta peur. Et ta peur elle dépend forcément du côté subjectif parce que. C'est. Ça fait partie de toi en fait. Donc. C'est profond. Ouais, allez, c'est profond. Allô, reviens. On a besoin de bruitage. Allô, reviens. On veut te voir. Ali, il était parti. Il avait déserté le poste. Il était parti. Il déserté avait déserté le poste. Il était parti. Il avait déserté le poste. Déserté le poste. Poste. Mais vous êtes fous, les gars. Vous avez besoin de moi pour faire du bruit, quoi. Vous y arrivez très bien tout seul. Vous avez pas besoin de moi. Allez-y, nuisez un peu, les gars. Allez, nuire. Du verbe nuire, quoi. Allez, on se lâche. On dit n'importe quoi, on fait que des conneries, on passe pour des cons. C'est ça, nuire. C'est ça qui est bon, on nuit. C'est ça qui est bon. Non, oui. Oui, on se nuit à soi-même et on nuit aux autres. C'est un bon exemple. Nuisons-nous. Voilà, nuire. Allez, continuez, les gars, je vais boire une bière. shit, but my heart and I said I don't smile anymore. Appuie sur le mulot. Appuie sur le mulot. Le mulot, la souris. La souris. Le chat qui joue avec la souris. C'est le chat qui joue avec la souris. Quelque chose qui fait pop pop pop. Qui fait pop pop. Pop pop. Pour le hip hop. Tu développes. Ah, tu développes. Développe ça. Développe. Alors ça fait. When we were here before. C'est pas ça. Hein? Couldn't look in your eyes. You just like an angel. Your skin makes me cry. Yeah. On est bon là, on est bon. C'est ça. T'arrives pas à lire ça? Moi je peux pas regarder les accords et jouer, tu vois. Ah ouais. Je peux pas. Ah, tu réfléchis voilà, une chose après l'autre. Voilà, c'est ça. T'es un petit peu un couteau suisse. Voilà, c'est ça. Mais. Faut sortir la bonne arme. Ouais, au bon moment, là, sinon. Là, je suis pas en mode, j'ai envie d'apprendre un morceau, tu vois. Oh! Mais par contre. No par problem! Contre, par contre. Par contre, oh, voilà, c'est comme ça. C'est par when you were simplement before, par contre. Cold and you can see just like an angel, your skin make me cry. You float like a feather, float like a feather in a beautiful world. And I wish I were special. Sure, I wish I were special. You're so fucking special. You're so fucking special. But I'm creep, creep, creep, creep. I'm a weirdo. Wait a. What the hell I'm doing here? C'est bizarre. C'est franchement, c'est vraiment bizarre ce que je ressens. Voilà, on va changer. Allez, vas-y, je suis d'accord. On change. Celle-là? Non. Non. Okay. Non. Si, vas-y, fais péter celle que la première là. Hop, ça pète ça. C'est bon ça. Ça? Ouais, carrément. You're. Carrément. Okay. No woman no cry. No woman no cry. No woman no cry. Wait. C'est bon ça. Merci. Voilà, pour tous les amateurs de. pleurez pas. Thank you. par sa langue, les yeux fermés, la bouche boiteuse à ma palais. Merci au public. Et je t'aime le sang. Je t'aime le public. Je t'aime. Voilà ce que c'est le néant. Le chaos. Le néant. Le chaos. Les ordures. Parce que le néant, tu peux même pas l'imaginer. Tu peux même pas le concevoir. Il est même pas dans ta tête. Il est ailleurs. Arrête. Dans ton cul. Abdoulila, comme dirait mon cousin Mohamed. Et maintenant. Alors comment dire ? La liberté d'expression. Où commence-t-elle ? Où commence la liberté ? Où finit la liberté d'expression ? Où finit-elle la liberté d'expression ? Où commence la liberté d'expression, n'est-ce pas ? C'est bien ça ? Elle commence au moment même où tu commences à réfléchir, à penser de ta propre initiative, avec ton propre esprit critique, et ça s'arrête exactement même à l'endroit où on t'a dit qu'il fallait que ça s'arrête. C'est-à-dire et ça depuis que l'on te l'a inculqué, depuis ta tendre enfance. La liberté d'expression en France, on nous l'inculque. Je croyais que c'était interdit de dire ce qu'on pense. Mais vous êtes tous trompés. On a le droit de dire ce qu'on pense alors. On n'a pas le droit. Ah, donc en France, on n'a pas le droit de dire ce qu'on pense. Le fait pas, surtout pas. D'accord, il faut même pas dire qu'on n'a pas le droit de dire ce qu'on pense en France. C'est bien ça. C'est une radio libre ou non ? C'est pas l'histoire. Est-ce que toi, t'es libre ? Est-ce que toi, tu es libre de dire qu'en France, on n'a pas la liberté d'expression ? Non, on est libre, on est libre. Déchaînez-moi. On est complètement libre. On est si libre que ça nous en bloque. Mais pourquoi on peut pas dire telle personne est conne ? Pourquoi on peut pas dire diffamation ? Pourquoi on peut pas faire de diffamation finalement ? C'est pas de la liberté. C'est une question de loi, c'est comme ça, il faut une règle voilà. Pour pouvoir gérer. Donc, si la première loi, la première loi c'est on a le droit de s'exprimer, et la deuxième loi c'est on a pas le droit de s'exprimer, c'est quoi la loi ? La loi c'est moi. On peut s'exprimer du moment que. Du moment que c'est bien. On n'atteint pas la liberté de quelqu'un d'autre en fait. Et c'est quand qu'on décide que la liberté de quelqu'un d'autre elle est atteinte ? Mais à mon avis, il te le dit assez rapidement. Tu atteins ma liberté à ce moment même. C'est-à-dire ? Lorsque tu lui fais. Ah ben soit il gueule, soit. Mais il y a toujours une réaction des gens. Quand tu empiètes sur leur liberté. Mais je vois pas en quoi la liberté de s'exprimer atteint la liberté d'être de l'autre personne, quoi. Elle a le droit d'être conne, après tout, quoi. Ah ben, oui. Moi, je serais d'accord, mais si on est tous bien civilisés comme ça, ça marche, mais... Mais il y a des règles imposer des mœurs, des coutumes. Et pourquoi elles sont différentes de pays en pays, ces coutumes ? Parce que l'être humain, depuis la tour de Babel, s'est dissocié, s'est séparé, a fait des frontières et a dit « J'habiterai là et je parlerai pas comme toi. Et je gagnerai plus d'argent sur ton dos que si je t'avais en tant que copain. » Mais tu veux que tu veux sortir avec quelqu'un d'autre ? Que moi ? Johan Alexandre ? Tu veux me tromper, c'est ça ? Avec quelqu'un d'autre ? Tu veux un copain ailleurs, quoi ? Moi, j'aimerais que... Excuse-moi, non, je suis désolé, les auditeurs, mais non, il faut qu'on clarifie quelque chose, quoi. Qu'est-ce qui t'arrive, Johan Alexandre ? Tu me veux plus ? Mais c'est pas ça, mais c'est... Voilà, déjà, tu pues de la bouche, déjà. C'est vrai, je me suis pas brossé les dents ce matin. Déjà. C'est vrai, j'avoue. Et en plus, je dis des mensonges, ce qui fait que j'ai une mauvaise haleine, selon Bouddha. Oui, parce que ça veut dire que ta voix, c'est de la caca. Voilà, ma voix, c'est du caca. Moi, c'est la voix du caca. Moi, je suis la voix du caca. Je m'appelle Al et je suis la voix du caca. La voix du caca. La voix du caca. Écoute, la voix du caca. C'est moi la voix du caca. Caca. Le caca. Caca. Voilà, c'est mieux. À toi, Julien. On est arrivé où j'en voulais avec Yann Alexandre. Alors, parlons de... Oubliez-moi, je m'en fais. T'as peur, hein ? Pardon. Suivant. Je m'appelle pas Julien. Je suis garçon boucher, moi, gars. Voilà. Allez, suivant. Ouais, bon, vas-y, hein, attaque. Oh, suivant. Vas-y, attaque, j'ai même pas peur, là. Qu'est-ce que tu fais, là ? Vas-y, envoie. Tu me fous de ta gueule, je me fous de ta gueule, je peux pas y arriver comme ça. T'es sur la défensive, je sais pas, je veux pas t'attaquer, mec. Tu veux un carambar ? Ouais, je veux bien, vas-y, amène-le-moi. Citron, orange ? Détends-toi. Non, je veux pas, je veux pas de carambar, c'est bon. Comment faire pour amadouer les gens ? On n'a pas le droit de dire carambar à la télé, enfin à la radio, c'est une marque. Alors je dis qu'on n'a pas le droit, c'est ma loi, moi. C'est comme ça, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de dire. On n'a pas le droit de dire la marque, on n'a pas le droit de dire frigidaire, ou frigo, réfrigérateur, ou quoi que ce tu veux, poubelle. Docteur, j'ai l'impression d'être en permanence allongé sur un canapé. Mais vous êtes allongé sur un canapé ? Ah, vous voyez, ça recommence. C'est pas mal. Une maman éléphant dit à sa fille : qu'est-ce que tu feras quand tu seras grande comme moi ? Un régime. Alors ça, c'est des blagues qu'on trouve justement sur des espèces de petits bonbons aromatisés à des fruits. On n'a pas le droit de dire ce que c'est. Voilà, on n'a pas le droit de dire la marque. Il y a des blagues dedans et tout, c'est génial. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est des bus en tige. Des bus en tige ? En tige. Des bus en tige ? En tige, en travaux d'intérêt généraux. C'est des bus entiers de travaux d'intérêt généraux. Tain, on bouffe des mecs en train. Ah, c'est très le travail d'intérêt général. Tu donnes un doigt de pied et on te le fout dans un petit bon bec. Et après, les gens ils le bouffent, quoi. C'est ça le travail d'intérêt général. C'est gueudin, c'est sauvage. C'est... Non, mais c'est quoi ce truc ? Les gens en petits carrés. Non, mais c'est horrible. C'est machiavélique comme plan. On veut nous faire bouffer les vieux, quoi. On veut nous faire bouffer notre merde. On veut nous faire bouffer notre caca. Mais c'est leur liberté à eux. C'est leur liberté de nous imposer ça, d'atteindre notre liberté de manger ce qu'on veut, quoi. Absolument. Du caca. Mm. Donc elle est atteinte, notre liberté, t'as vu ? Du moment qu'on nous fait manger de la merde, à ce moment-là, la liberté de l'autre, ben, elle nous a atteint. Et c'est ça qui déclenche justement le fait qu'on peut pas être chacun libre, parce que finalement, on s'en empiète tous sur notre territoire, tu vois. Voilà. Et on avait oublié de définir la liberté. On n'a pas défini la liberté, déjà, on a dû commencer par là. Alors, selon, je me souviens plus qui, Sénèque ou un gars comme dans le genre, un latin, un romain, je crois que c'est la propension à faire quelque chose. La propension, c'est la tendance à. Voilà. Voilà. Vous en avez d'autres, des définitions ? Vas-y, parle dans le micro, on t'entend pas. La liberté, selon Sénèque, non, c'est pas Sénèque, c'est pas Sénèque, c'est... Non, mais bon, ou selon le philosophe... Sénèque, c'était un historien, Sénèque, et en fait, c'est un autre gars, je me sens plus, mais je crois que c'était un romain, quoi. Ok. Qui disait que c'était la propension à agir, la liberté. Et puis si vous cherchez des auditeurs, il y a Internet aussi. Ouais, mais Internet, c'est pourri, il faut le dire, quoi. C'est moins vivant que là, ouais. Des gars qui te parlent et qui cherchent dans leur tête, quoi. C'est pas un espèce de câble où t'es là, t'appuies sur un bouton, c'est bon, j'ai atteint le câble. Après, c'est votre liberté. Ouais, c'est votre liberté de faire ce que vous voulez, après tout. Vous cherchez vous-même, mais à ce moment-là, vous écoutez pas la radio, quoi. Pourquoi il y a une bonne liberté et il y a une mauvaise ? Mais la liberté, pour moi, c'est mauvais. C'est mal, la liberté. À partir du moment où tu donnes la liberté au peuple, ça y est, ils se révoltent. C'est mauvais, faut pas donner la liberté au peuple, faut les écraser, quoi. Ouais, faut faire clair. Ce qu'ils nous font, là, pour détruire notre liberté, justement, pour pas qu'on s'énerve. Il faut leur faire bouffer des C'est boulons. Ça, c'est paradoxal, c'est contradictoire, mais c'est comme ça. Mmh. C'est comme atteindre la qualité de l'enseignement avant d'atteindre la quantité de l'enseignement, tu vois. Mmh. D'abord, faut avoir des profs de merde. Mmh. Comme ça, on accepte quand même. Ouais, mais tu peux pas prendre l'oppression pour gérer une population, c'est pas possible, tu vois. Non, mais je prends rien, j'ai même pas la prétention de vouloir gérer une population, tu vois. Ah. Mais par contre, ils l'ont, et ça m'énerve. Parce que moi je sais qu'ils peuvent pas l'avoir, ils sont trop cons. Bah ouais. C'est des cons. C'est des bâtards. Et c'est là où notre liberté les atteint. Les atteint ? Bah ouais. Quand c'est des cons. C'est des bâtards. Cons. Voilà, carrément. C'est eux. Culé. Les enculés, ouais. Il est 10h, plus passé. Il est quelle heure ? À la radio sud, canalsud.fr, au numéro de téléphone. canalsud.net. Canalsud.net. Une chanson douce que me chantait ma maman. C'est dégueulasse. Est-ce que moi ma liberté à moi, je sais où elle se trouve en fait. Ma liberté à moi, je la conceptualise là-haut dans les étoiles, sur un astre qui tourne autour de notre planète. La lune, la lune. Oh, belle lune, autour de ma planète Terre. J'aimerais aller là-haut sur toi pour être en pleine tranquille. Je serais dans ce Californie. Non, je peux. Et je serais chez personne. Si je suis seul. On est d'accord. Occitania, mon pays, qui est de Bengue, le troubadour canto mai, un test de penso de l'âme. L'humanitat a besoin de t'aimer. Quel est le plus fou de nous deux? L'un croit en l'amour, l'autre en l'argent. Quelle vie choisir pour être heureux? Les illusions de velours, l'illusion des instants. Fade casens la luna, escrevin bon endemam. Fade casens la luna, escrevin bon endemam. Un jour la bête a pensé, l'homme a pris conscience qu'il était. Les civilisations ont été fondées, la lutte entre le bien et le mal a commencé. Le ciel s'est obscurci sur la société. Un jour l'ange s'est endiablé, l'homme a compris qu'il mourrait pour se croire éternel. La religion fut créée, illusion mystique et matérialisme consumé. L'univers s'est alors offert à l'humanité. Quel est le plus fou de nous deux? L'un croit en l'amour, l'autre en l'argent. Quelle vie choisir pour être heureux? Les unions de velours ou l'illusion des instants? Fade casens la luna, escrevin bon endemam. Fade casens la luna, escrevin bon endemam. Yeah. liquide. C'est l'insatisfaction, toujours, comme je disais. Donc, l'insatisfaction, est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez, les gars? De ce que vous êtes? Moi, je peux t'avouer que j'ai eu des signes dernièrement dans ma vie, comme ça, des symboles, des trucs comme ça qui passent dans ma life. Jamais tu fais attention, et là, il y a tout qui s'engrange, il y a tout qui s'enclenche, et tu te dis, mais ouais, c'était ça ma vie, ça va dans le bon sens. Et est-ce que ça va y aller dans le bon sens? Ouais, c'est là, ça va dans le bon sens, c'est dans le présent, je veux dire. Est-ce que plus tard, ce sera dans le bon sens, quoi? Ça le sera forcément, parce qu'il est hors de question que je passe une vie de frustration. Ah ouais, donc t'acceptes ta vie comme elle est, quoi, en fait. Ah, j'en ai une comme ça, si tu veux. Ouais, c'est ça. C'était quoi la question? Je me sens plus. La question, c'était, est-ce que tu es heureux comme tu es avec sa poésie? Non, j'ai dit, ouais, est-ce que tu es heureux, ouais. Non, je me sens plus ce que c'était, en fait. C'était une autre question. C'est pas important. C'est pour combler le vide. Ouais, c'est une nuisance. Et on entend le ventilo depuis tout à l'heure, c'est l'horreur. C'est vraiment l'horreur. Pardon ? Ouais, mais protégez-vous, les gens, s'il vous plaît. C'est vraiment l'horreur d'entendre le ventilo. Tout le temps, ouais, c'est chiant. Papy, mamie, n'oublie pas de boire, de mettre de l'eau sur ta tête. Ouais, il va me faire chaud si tu l'éteins, mec. Du vent sur ta tête. Et surtout, si jamais tu t'en vas, n'oublie pas de remplir le petit papier qui s'appelle testament. Test ADN, vous êtes pour ou contre, les gars ? Ah, j'ai trouvé le truc, il faut éteindre le micro qui est en direction du ventilo, en fait. Test ADN, vous voulez vous faire tester ADN? Non, mais c'est bon, je l'ai éteint, du coup. Ouais, bah si tu veux. Voilà, il y est. Non, ça t'intéresse pas? Merci, au revoir, je vais fermer ma porte et je vous vois plus. Moi, si tu veux, je peux te donner un spécimen de mon test ADN. Vas-y, ouais. Je te... Tu le mets entre tes pages, là. T'as un réceptacle? Ouais, j'ai ton... Oui, t'as raison, ouvre la... Voilà, ça sur toi. Ah, t'es dégueulasse, non, faut pas ça sur la table. C'est vrai, ça, pourquoi parler après tout? N'oublie pas qui tu es. Tu pourrais le regretter. D'être ce que tu es. Parce que les bienfaits de la vie, c'est toi qui en tires profit. Place in hell, but I'd rather be the one who says stay, stay, stay in place, motherfucker, stay, stay in place, like you've said it already, and I know you're the ones, the twos, the glorious threes, and the whimsical, tragical, glorious boxes of a twisted ram jacket. I know what is going on, I know what's going off, I know it's there, I know it's here, I know it's anywhere and everywhere, it's there, but when we're not the ones, we're knowing, we're knowing, we're knowing, we're knowing. What is the tools? Fuck it. Ah, ça c'est bon, ça. Ça c'était bien. Je veux dire, ça, juste là, ce qu'on a là, derrière moi, là, sans la voix, t'enlèves ce qu'il y a à la voix, là, tu vois. Et t'enlèves tout ce qu'il y a, sauf la voix, quoi. Enfin, t'enlèves la voix, c'est mais pourri. Tu restes. Non, ça, là, ce que je suis en train de faire, là. Ouais. Là. Ouais. Vous l'avez entendu, là? Non, mais avant que vous parliez, quoi. Non, rien, là. Justement, c'est ça le truc. Ah, c'est le top. Le silence. Le silence radio. Le silence radio. Avec les bruits de fond et tout. Il y a un mec comme ça qui a. Quoi? Vas-y, parle dans le micro, je t'entends pas. Je disais qu'on pouvait écouter le silence grâce au bruit de la neige. Bon. Parce qu'il y a un gars, un chercheur. Ouais, c'est ça, c'est un musicologue en fait qui a voulu expliquer la musique en écoutant le silence. Voilà. Mais le problème c'est que je me rappelle pas son nom. Donc. C'est pas John Cage par hasard? C'est pas, non, c'est un autre gars encore. En écoutant la neige. Je crois que c'est même le silence de la neige. T'as vu comme c'est trop beau. Silence de la neige. Ce bruit de neige. Non mais bon, on parle plus de silence, je suis d'accord, excuse-moi. Mais par contre, le bruit de la neige, il est trop beau. Il est mélo. Ça va vite, ça va vite. Dans ma tête, il me fait surgir plein de choses. Ouais. J'imagine quoi, c'est comme le bruit des feuilles quoi. Ouais, faut pas trop me le dire parce que moi je suis. Quand des dents qui se brisent aussi, ça fait. Non, moi j'aime pas le bruit des neiges, j'étais enfermé dans un igloo quand j'étais petit. Je te comprends. Ça a dû être chaud hein. Avec un pingouin. C'est un pingouin ou un pingouin? Un pingouin. J'en suis sûr. Oh, d'accord, deux pingouins. Deux pingouins, j'avais deux pingouins pour moi. Deux pingouins. Ouais, mais bah, c'est pas bien hein. Ça fait rien quoi du coup pour toi. Deux pingouins. C'est le moment un petit peu là. Tu peux mater quoi. Ouais, les pingouins. Oh, pingouins. Ouais, c'est, je parlais des pingouins. Pingouins. Ouais, pingouins. Des gouines. D'accord. Pingouins et pingouins. Mais ça existe pas. Les pingouins. Ah, c'est comment on dit alors? De quoi on dit? Ah, c'est quoi la femelle du pingouin? Non, les femelles du pingouin. Deux meufs qui se cachent derrière un arbre, c'est. Je sais pas. C'est deux pingouins. On s'en fout. Non, on s'en fout pas. Du pain. Des jeux. Du vin. Du boursin. Du boursin. Voilà. Et les boursins, on n'a pas le droit de le dire non plus, putain. Mmh. On peut rien dire dans cette vie de merde. C'est ça que je vous dis depuis tout à l'heure. Non, on n'a pas de liberté d'expression, on peut rien dire. T'as raison. Je suis allé au Pôle emploi ce matin. Chercher mes sous comme il se doit. Tu m'as répondu, conseillère, qu'il fallait que je me mette un doigt. Je n'ai plus le droit à mon revenu. Je n'ai plus le droit. S'il te plaît, conseillère, offre-moi une formation au moins. Ou ne serait-ce qu'un billet de train. Conseillère, plutôt seyère. Conseillère, surtout très con. Surtout très con. C'est hier. T'es con. Je suis con. On est tous cons dans cette société-là. Non, c'est pas vrai. Les intelligents, ils sont pas cons. Les intelligents, ils se cachent là-bas. Mais les cons, ils sont cons. Ils attendent la révolution. Et ils se pètent sur la gueule. Pour qu'on puisse tous se niquer la gueule, ouais. Et ils se font la guéguerre entre eux. De la mineur contre le mineur majeur. Allez, tu... Étincelle, ouais. Septième dominante. Tu pars sur quoi? Prout. Merde alors, je ne sais plus quoi faire. Quoi faire? Merde alors, je ne sais plus comment faire. Comment faire? Merde. De merde. La merde de ta mère est plus pourrie que oh, ma putain, merde. J'en ai marre, ces gens qui comprennent pas qu'il y a des accords dans une chanson. Dans une chanson de merde. Putain de merde, j'en ai marre. Ouais, y'en a marre de merde. Pour l'emploi, vas-y, donne-moi la merde dans la main. Et je veux la bouffer, ta merde, quand tu la mettras dans la main. Oh yeah, oh yeah. Je suis de la merde. Et nous, ce qu'on veut, et c'est stop, caca. Ça fait trop de merde. Du caca, j'ai besoin du maintenant caca. De sopalin. Du caca, et stop, du caca. Ça fait trop de merde. Du j'ai caca, besoin du caca. De me frotter le train. Nous. Stop. Nous sommes de la merde. J'en ai marre de défoncer mon pognon. Là-bas, dans le magasin de chez Champy. Somme de la merde. Ouais. J'ai plus de sous sur mon compte en banque. J'ai plus de sous dans mon tiroir. J'ai plus de sous dans mon entreprise. Parce que j'ai plus sous. Plus de sous dans mon compte en banque. Ouais, c'est pas mal comme chanson. Ça ressemble tout à fait à ma vie, c'est bizarre. Ça se rapproche de ma vie, ouais, c'est chelou, c'est la vie de tout le monde, on dirait. On serait pas frères. C'est la vie de tout le monde. Ne serions-nous pas frères et sœurs? Ou peut-être nous sommes des comptes en banque, ambulants. Des portefeuilles, des armoires, des métèques, des sales macaques dorées. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire comme conneries encore? Vraiment, quelle insolence. Fucking ass. Vous êtes fous, les gars. Vous êtes tarés, quoi. Vous ne faites plus ça, jamais ça, quoi. Vous faites plus ça, hein, sinon je coupe les micros, les gars. Jamais ça, ni ici, ni ailleurs. AZF, on t'encule. Plus jamais, jamais. Non, mais vous êtes fous, quoi. Qui c'est qui vous a monté la tête comme ça? Vous dites enculé, merde, prout, caca, boudin, tous ces trucs dégueulasses, quoi. Mais c'est quoi? Qui c'est qui a fait ça? Qui? C'est Dieu? C'est Dieu? C'est le grand ordinateur, le grand orateur. C'est le grand Dieu? Celui-là même qui m'a appris qu'en chaque chose il se trouvait. C'est la faute à Dieu, quoi. La punition, la sanction. Flagelle-moi! Allez, vas-y! Fouette-moi! Dish, pourquoi? Voilà, c'est flagellé. Attends, je vais te flageller, écoute. C'est mon précepteur. Il m'a tout enseigné. Avant la l'acception, c'est moi, l'après. La préception. J'ai pas tout à fait compris ce que je viens de dire, mais j'ai tout à fait compris que c'était clair en tout cas. Presque. Canal Sud 92.2 FM. C'est actuellement l'émission Nuisance. Salut. Salut. Salut. Salut. Salut. Sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'était Nuisance. c'était nuisance. Ce fut nuisance avec ce soir Johan Alexandre, ouais. Julien, Élise, Staff et Al.